Prononciation, exercice 39. Distinguer de, te. Écoutez. Le temps des loisirs. Distinguer les sons de et te. Le temps des loisirs, c'est plus de temps pour soi. La découverte du plaisir de partir 3 jours à Dublin. Davantage de travail partagé avec d'autres dans tous les domaines.